Radio Campus, il est 20h. Bienvenue sur Campus, si vous prenez l'antenne maintenant, nous aussi nous la prenons pour Pyongyang City Rockers numéro 301. Ce soir, grande compagnie, on est à 4 dans le studio mais il n'y a que 3 qui vont passer de la musique et puis parler aussi. Enfin sinon, si, Manu si tu veux parler, tu parles. Mais bon non, mais il parle loin du micro donc à mon avis ça va être vite réglé. Sinon, grand retour de Jérémy. Ah oui. En plus, qui fait la technique, donc pour un coup, ça va être bien propre, il n'y aura pas de pain et tout, ça va être bien. Rien n'est moins sûr. Hein. Grand retour aussi de quelqu'un qui est déjà passé, facilement une ou deux fois ici. On va dire deux fois. Ouais, deux fois, c'est ça. Une ouais. fois en disque et une fois je en live. Je me demandais, ouais. Voilà. Et c'est le guitariste allemand, Thomas. Tom Hans. Tom Hans. pour faire la différence avec les autres Thomas. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, il y en a un peu trop dans le. Et donc, tu nous as ramené de la musique militaire allemande. Un peu, ouais, j'en ai ramené un petit peu, ouais. Il y a beaucoup de caisses claires, c'est vrai. Bon, d'accord. Caisses claires, je ne sais plus s'il y en a dans ce que je vais vous passer maintenant. En tout cas, ils sont en concert ce soir, maintenant même, à la MFW, la Maison Folie Oisem, en compagnie de Arsène Lupin qui est Norbelgra Hud. C'est Naked Soft Men, les hommes mous et nus. Nus et mous. La dernière fois qu'on m'a dit ça, j'étais tout nu. Il faut ce soir passer aussi leur instru tiré Capsalon, ne serait-ce que pour commémorer l'inventeur de cette merveille culinaire, le Capsalon. Explique-nous tout. C'est ce que c'est un Capsalon. Bah, c'est ça. Tu mets une petite banse en aluminium, tu mets des frites au fond, tu rajoutes la viande, genre du kebab, tu vois, par-dessus, hein, une petite tranche, quoi. Et puis tu rajoutes en plus du fromage prêt à fondre, tu mets ça au four, donc hop, ça s'imprègne du fromage qui a fondu. Tu rajoutes par-dessus de la sauce, genre de l'aioli, un truc comme ça. Et puis après, tu mets de la salade par-dessus. Et hop, ça te fait un truc. Fameux reconstituant. Donc c'est un truc. Maintenant on en trouve aussi à Lille, hein, des Capsalons. Tu regarderas Capsalon. Ça commence à venir. Ouais. Ça vient de Rotterdam. Ça a été inventé par un néerlando-capverdien du nom de Nathaniel Gomez, qui malheureusement est inopinément décédé à la fleur de l'âge dimanche dernier à 47 ans. C'est vraiment pas là quoi. Quand même eu le temps de marquer l'histoire de son nom, de sa patte. Il n'y a pas de patte dedans, et de sa barquette. En sa belle ville de Rotterdam, voici donc, j'arrête de déconner sur le Capsalon, mais c'est parce que j'ai faim là. Et donc, pour ceux qui ont faim de musique, ils vont à la MFW ou à d'autres concerts qui seront annoncés plus tard, voir Naked Soft Men que nous retrouvons ici avec Capsalon. We'll be right back. Ouais, ça finit bien. Hein. Que venons-nous d'écouter ? Ils viennent de Brooklyn et non de Brooklyn. Brooklyn étant à New York, aux États-Unis d'Amérique. Mon cher Thomas, il ne sait plus où vous avez de la tête. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas ramener des vinyles. Et il l'a fait quand même. Ben voilà, tu vas devoir tout caler. Ce groupe s'appelle Azina, Azinin, enfin je sais pas, ça veut dire que c'est des ânes en fait, des hamars, comme on dit. Leur démo est sortie mi-juin là, chez Rotschlag Records. C'est des gros vilains qui font du hardcore, vous avez entendu, hein, à la mode de chez nous. Hein. Une tournée, il y en a pas mal qui font comme ça. Rotschlagrecords.bandcamp.com pour retrouver ça, puis les autres productions du label. Le titre c'était The Cop, parce qu'ils aiment la police. Comme tous les Américains, ils aiment leur police, tu sais, je dirais. Ils ont tendance à croire que les flics sont leurs amis et qu'ils sont là pour protéger la petite communauté. Donc voilà quoi. Thomas, comment vas-tu ? On se le demande. Hein. Écoute, ça se passe très bien. Je crois que j'ai réussi à caler un magnifique disque pour commencer. Ouais, mais moi, j'ai pas réussi à caler mettre du son. Ouais, voilà. Maintenant, il y a du son. Check. T'as ramené tes archives ? Bah non, là, on va commencer par une réédition de Discord. Donc tu vois, c'est pas oula, des archives. Ouais. Si, quand même. Ça date de quelle année au départ ? Je crois qu'on est en 82 ou 3. C'est le. Bon, ça va, quoi. Ouais, ça va, ouais. Ouais, mais c'est une réédition, voilà. Et c'est la huitième réalisation de Discord. Ouais. Donc, on est quand même sur le début de Discord. Et après, ça s'appelle le groupe Face. Et je me posais la question parce que je vois Alec McKay. Ouais, c'est son frère. Je ne savais pas. Bah, voilà. Si, ouais. Je crois que c'était le neveu de sa tante Jacqueline, mais non. Non, mais peut-être aussi, c'est en même temps son frère et le neveu de sa tante. Ah oui, c'est ça, ouais. Là-bas, ça se passait comme ça, ouais. En même temps, voilà, si c'est sa tante, elle a forcément des neveux. Tu vois. Il y a des chances. Non, bon, on va faire un petit cours de généalogie, là, je pense. Oui, on pourrait faire un spécial généalogie, d'ailleurs. Ce serait pas mal, hein, mais pas aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, là, tu nous as quand même ramené des trucs de haute prestance, beaucoup d'Américains. Je sais pas, hein, c'est à vous d'apprécier. Alors, tout de suite, Discord, ouais, avec... Face. Ça démarre pas. Ouais. Il n'a pas démarré. Les vignes ne marchent pas. C'est le bouton. En plus, c'est le bouton. Si, remonte, monte le bouton, là. On n'est pas de tensiomètre. Sur la petite table de mixage, voilà. Heureusement que je suis là. Allez, on le refait. Putain, c'est bien, franchement. Ouais, excusez-moi pour deux morceaux en plus pour s'excuser. Non, ouais, t'as vu l'allusion. Ouais. On est dans la même énergie. Ouais, exactement. Bah, attends, comme quoi, je vous dis, ils vont chercher leur inspiration chez les meilleurs. Et voilà. Alors, c'était quoi le deuxième titre ? Ah, tu m'en demandes beaucoup là. Alors, attends. Quoi. En plus, je l'ai celui-là, je crois. J'ai l'original. Ouais, ça va. Pas la réédition. J'ai mis 10 mois à l'avoir. En précommande. Ah oui, vas-y, explique. Quand même. Oh, bah, non, rien, vas-y, juste, raconte. Commandé en septembre et reçu il y a 2 semaines. Ouais, très bien. Pour du postpone par rapport à Discord et leur production. Ah ouais, donc, eux aussi, ils sont touchés par ces conneries-là. Je sais pas, mais 10 mois, c'est pas mal. Ouais. T'es content d'écouter, c'est pour ça que je le ramène aussi ce soir, il faut le rentabiliser. Hein. Puis en plus, c'est un bon disque, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment les bien. Les titres, les titres. Bah, en fait, j'aimerais bien lire, mais j'ai pas mes lunettes. Oh, les émissions ouais, de vieux. Ouais, chier. Attends, ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. On écoute des vieux disques et on sait pas lire. On sait plus lire. Ouais. Putain, mais je suis incapable de lire, je suis désolé. Face bon, to bah. Face, le deuxième. Voilà. Voilà. Face qui fait face to face. Yeah. Merci Thomas. Youpi. Bah moi, je vous propose d'écouter un groupe amiennois. Ah, bah oui. Mais pourquoi forcément, grand Dieu. Vu ma nouvelle vie amiennoise. T'as une actualité. Ouais. Enfin, ils n'ont pas forcément d'actualité. Non, mais toi, t'as une actualité. Ah, peut-être. J'aime. Vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout. Tu deviens supporter du club d'Amiens. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, voilà. Deviens supporter de l'accueil froid, effectivement, à Amiens. Ouh, ça, c'est bien. C'est une belle salle, il paraît. Son représentant. Qui joue dans un groupe qui s'appelle ouais. Trace. Et pas tout, lui-même n'étant pas tout jeune, il a joué dans des groupes comme Ebola. Je n'ai pas ouais. vu à l'époque. Ouais. Moi non plus. Je crois que c'est un album, mais... si c'est les mêmes. Ah non, toi, t'as l'album de Ebola. Oui, c'est plutôt... Il y avait un Ebola ouais, allemand, il y avait un autre Ebola anglais. Non, anglais, plutôt ouais. écossais ou un ouais. truc comme ouais, ça. Ouais, ouais. Du nord d'Angleterre. Ouais. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Bah là, c'était ceux qui faisaient du punk en français dans les années 90. Ouais, bah d'accord. Ouais, ils étaient abonnés à tous les labels de l'époque, les Limo Life et de Lordel, hein. Non, dans ce coin-là, ouais. Je te fais confiance, hein, je suis trop jeune pour ça. Et donc maintenant, ce gars, il fait des trucs à l'accueil froid. Tout à fait. C'est bien ça, c'est une bière sale. C'est un lieu très sympathique. Pour en faire la publicité, faisons-le. Tout à fait. Ouais. Mais pas trop de publicité, comme leur premier accueil froid s'est fait virer par les forces de l'ordre. Là maintenant, ils souhaitent que... Ah, c'est une salle qui est en délicatesse avec la justice et avec la légalité. Tout à fait. Bon, d'accord. Mais c'est un lieu pas mal fréquenté. Mais c'est marrant parce que des fois, quand même, il y a des concerts à l'accueil froid qui sont annoncés sur Spunk. Donc, ça veut dire que quand même, c'est facile à trouver. Quoi. Enfin, ouais, c'est facile moment. À trouver. Spunk.org, tu vois. La référence. Et donc, pour retracer tout ça, je vous propose d'écouter comme une traînée de poudre. Le morceau Cheval fou de ce groupe Trace. Je suis d'habitude. c'est bien ça. Ah ouais. Dis, eh. Ouais. Il paraît qu'ils font des trucs plus noise et plus longs. Ouais. Bon. Skip. Ouais. Eh bien, tu vas me les filer parce que moi je les passerai. Si t'aimes pas, Mimi, je te ferai écouter. Bien, tu vas voir. Avec plaisir. C'était. Trace. Trace. Avec un S. C'est avec un C. Ah. Attends, avec un C. Oui, ouais. Bon, j'ai le track. Tu as le track ? Mais pourquoi ? Bah, je sais pas. Parce que t'as peur de ne pas deviner le morceau que Thomas ouais, va passer. Ouais. C'est ça. Ah, c'est ça la pression. Ouais, c'est ça la pression. Là, il me met la pression, le salaud. Sur Campus, sur 6,6, Pyongyang City Rockers numéro 301. C'est le frère du chanteur du groupe qu'on a passé juste avant. Le Ouh là, ça commence par un F. Donc, c'est le fils de Jacqueline Mackay. D'accord. Non, voilà. C'est son neveu aussi. Ouais, non. Ouais, oui, c'est vrai que là-bas, il faut avoir des doutes. Non, Embrace. Donc, ça vient juste après Minor Threat. Oh. 85, 86. Du coup, il dit. C'est bien. Je vais deviner. Ouais, et le titre, c'est quoi ? Faut qu'il devine aussi. Oh, ça, je saurais pas. Waouh. T'as oublié la pochette là-bas, ouais. On l'annoncera après. Give me back my feelings ou un truc comme ça. Ouais, bah oui, parce que c'est important quand même. Bah ouais. Il y a quelqu'un qui te les a volés. Je crois que c'est juste give me back. Hein. Ah, give me back, ouais. My feelings, my car. Non, mais c'est. Ouais. My man, mais ça c'était les B-50 et tout. Et No More Pain, No More Pain aussi parce qu'ils veulent plus de pain. Donc voici Embrace. Allez, tout de suite sur Radio Campus, 106,6. C'est toujours bien, Ian McKay. Tout ce qu'il a fait est bien. Ce monsieur, il a dit ça. Manu, qui regarde son téléphone, mine de rien, l'air de contracté, complètement dégagé. Si vous voulez dégager d'ailleurs, enfin vous prendre du blast dans la gueule, c'est commencé depuis 20 minutes à la Brad Kev. Concert que du blast, que du grind et du power violence. À commencer par, bon, il y a Saddam, il y a Gumo pour les groupes du coin. Il y a un groupe parisien de grind, power violence, bande sang. Et puis Ixias, ils viennent de, je sais pas, quelque part dans l'est des États-Unis encore. Et ils font du grain qui n'est pas à moudre. Enfin, c'est vous qui êtes moulu, en fait. Et voilà. On finit en café. Ouais, exactement. Enfin, s'il en reste. C'était à la Brad Cave, 113 rue de l'Épaule. Ça a commencé donc à 20h. Enfin, ça devrait commencer. Ouais, ça commence maintenant, quoi. Ça blaste tout le temps. Donc, et puis, ils jouent vite. Donc, ne tardez pas. Hein. Et puis, c'est 10 balles l'entrée. Et c'est organisé par Mago. Salut Mathieu. Quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? 10 balles pour 4 groupes de grind. Ouais. Ça fait cher la minute. Hein. Bah, ça dépend, peut-être qu'ils font des rappels, j'en sais rien. Quoi. Ils font plusieurs rappels. Je remarque que ça devient riche. 30 secondes grind. Par rappel. Ouais. Bah, tu sais, c'est des métalleux, hein. Ça a été envahi par les métalleux. Bah, tu sais, dans le métal, il y a du fric, hein, c'est ça, ce qu'on disait hier. Voilà, c'est ça. Je vais me faire taper parce qu'après, moi, j'y vais. Donc, pour l'instant, je passe deux titres si vous avez décidé de rester derrière votre poste. Premièrement, Ixias, qui vont faire Expressions of the Spirit, suivi des Parisiens de Bain de Sang qui font Terror. How do you define spirituality? The expressions of the spirit. Oui, enfin. Alors on est en train de préparer un petit tunnel de violence. Ouais. Allez, vas-y, ouais. Je t'en prie. Moi, ça m'a donné envie d'enchaîner sur Acme, groupe allemand. Qui n'est pas un groupe français, ouais, parce qu'il y avait un Acme avec un cul, mais non. C'est les Allemands. C'est d'ailleurs qui jouaient comme des culs. Ça jouait bien. Mais... Les Acme a cassé, ouais. Ouais, voilà. Je crois que ça joue encore. 94, 15. Ouais, c'est ça. À peu près ça. Bah, je pense que c'est intéressant dans le sens que c'est une époque aussi où ils vont mélanger le métal et le hardcore et ça donne un nouveau style. Après, Acme, ils ont fait Sistral, Men of Hell, c'est devenu vraiment du Bolt Thrower à la fin. Ouais, c'est ça. C'était, mais Sistral, ça, c'était vachement bien. Ah ouais, c'était super bien. Mais le premier mélange, il est vachement intéressant, je trouve. Ouais, exactement. Donc, c'est marrant parce que la musique que je t'ai entendu jouer, là, tu joues dans Asteroid, t'as aussi fait, t'as été dans X groupe de surf, des chefs, Reverbly Ones et tout ça. On croirait pas que t'écoutes de la musique comme ça. Vachement éclectique. Tu aimes l'éclectisme? Non, c'est ce que j'ai écouté quand j'avais 25 ans, voilà. Ah, t'as plus 25 ans, d'accord. Ah c'est ça, c'est que j'ai rencontré d'autres styles, j'ai fait du surf, je me suis reposé un peu, je suis repassé au punk, mais après, les groupes musicaux, non. Asteroid, t'as jamais essayé de les entraîner plutôt dans les trucs un peu blast, boum boum? Il serait content, non? On part plus reggae que Black Beat. du reggae ça, français. C'est l'influence de l'autre Thomas, ça. Je sais pas. Du gars des îles, c'est possible. Ouais, le gars des îles. Le gars des îles, il doit être en train de blaster là, à la Brad Cave, d'ailleurs. Enfin, bref. Donc voilà, quoi. Non, mais cool. Ouais. Hein. Et donc là, c'est Sistral. Enfin, non, c'est Acme, c'est leur premier groupe. Ok, chef. Le morceau? Je sais plus, moi. Ah. T'as vu, il a pas fait de liste. Arrête. Professionnel. Allez, je pensais pas qu'il fallait donner les titres aussi, enfin. Ok, d'accord, la prochaine. On le dira. Allez, tout de suite, Acme avec... C'était Injection de Acme. C'est bien ce que tu as lu, Jérém. C'était aussi la grande époque où quand même ils faisaient des pochettes où des fois c'était un peu compliqué d'avoir les titres. C'était des fois planqué oui, tout au fond, écrit en tout petit. T'avais pas le minutage, bien sûr, ce qui était très pratique pour passer en radio. Et puis en plus de ça, des fois même le nom du groupe, c'était marqué en transparent sur fond blanc. Le grand changement. J'en ai quelques-uns comme ça. Ouais. Et donc, ouais, c'est quand même bien de faire des émissions de radio avec des MP3. Ouais, okay, moi, je dis d'accord. Ça, je fais la pub. Hein. Quel confort. Hein. Et donc, ouais, Acme, ouais. Moi, je vous propose de rester époque. Dans. Tout, non, mais vas-y, dans le rythme. La parole, dans le rythme. Dans le rythme. Ouais. Ouais. Avec un groupe d'Amiens. Un groupe d'Amiens qui s'appelle Douleur. Tu nous fais un scene report d'Amiens, en fait. C'est ça. Ouais, c'est. Enfin, cœur. Faudra proposer ça à Apple Culture après. Qui utilise des instruments improvisés. Je vous invite à les voir en concert. C'est plus. Ça dire, il y a quoi? C'est autant. Il y a des grosses. Sur sa batterie, il rajoute à la place des cymbales, il met des tôles pour taper. Des tôles, mais il les découpe en rond ou alors c'est. Donc, des, en rectangle. Oh ouais. Ouais. Dis donc. Et il y en a un autre qui tape avec. Sur des bombes. Une bassine en cuivre et puis un extincteur. Ça fait un son assez. Attends, il tape sur une bassine avec un extracteur, c'est ça que t'as dit? Ouais, je sais. Non, tu crois qu'il y a des baguettes ou des bâtons? Ah, je sais plus. Des bâtons. J'étais embrumé. Il a été acheté des tasseaux à Castorama, ça? En tous les cas, je vous propose de découvrir Embrumé de Douleur. Douleur. En deux mots. En un seul mot, mais collé. Ouais. Ils sont d'Amiens ou de Doulan? Toi de le découvrir. C'est sur la route. Ouais. We'll be right back. bruit. C'est bien ça. Douleur avec leur morceau Embrumé. Ça ressemble pas mal à des trucs aussi qui se faisaient à la fin des années 90, au début des années 2000. Tu sais, il y avait plein de groupes vers Rouen et tout ça. Merde, Plum, des trucs comme dans ce genre-là, tu sais. C'était bien. Et là, c'est bien, Douleur. Bah ouais. Il paraît que c'est un prémix, ce que tu nous envoies là. Oh, dis, t'es au cœur de la meule, mon ça, gars. Hein. Bravo, Jérém. Ouais. Alors, tous les morceaux sont pas comme ça. Il y a des morceaux un peu plus lents, plus ambiants. Voilà, c'est un concert, ça mixe un peu les deux pour essayer de créer une atmosphère. Quand c'est qu'ils passent à Lille ? Faut qu'on les invite. Bah, il n'y a plus qu'à les faire jouer. Hein. Ouais, puis on pourrait les faire passer ici un vendredi soir. Ça serait beau. Pour changer des punks tchopons. Vous êtes bien sur Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 301. Ouais, 301. Et maintenant PCR rubrique Petit Conseil Pratique de la Street avec Madness Révisité Classique. Si tu te fais rattraper par la patrouille, tu as une seule consigne à respecter. Tu fermes de gueule, tu te tais, shut up, Madness. Time. Now pass the blame and don't blame me. Just close your eyes and count to three. Then I'll be gone and you'll forget. The broken window TV set. It wasn't me either, I'm just his mate. Stand here and watch the gate. I've got a wife and three kids, you know. They'll tell you I'm straight, at least I think so. I'm as honest as the day is long. The longer the daylight, the less I do wrong. Now pass the blame and don't blame me. Just close your eyes and count to three. C'est des bons. Madness. Des petits fraîcheurs. Ouais, hein. Ouais. Oh, ta gueule. Voilà. Le fioul. Attends, tu l'as plus pour longtemps. Non, mais il va revenir ici souvent, Jérémy. D'accord. Quand je pourrais, bah ouais. Ouais. Pour, cool. Pour faire des scene report d'Amien, parce qu'il y a des trucs qui se passent et puis il y a l'accueil froid et tout. Voilà. Il y a même plusieurs scènes alternatives. Et la ville des pirates. Il y a le Micmac aussi. Ah ouais, d'accord. La briqueterie. Putain. Mais il faut en parler de tout ça. Oui, il y a plus de bars de concerts à Amiens qu'à Lille. Ça, par contre, c'est... Ah. Ça fout les boules. Ils n'ont pas encore fait la chasse comme ils ont fait à Lille, quoi. Ouais, ils font moins la chasse, ouais. Ouais, d'accord. D'être pour ça. Oh, mais alors, il va vraiment falloir qu'on fasse des vraies émissions pour dire tout ce qu'il y a et tout ce qui se passe, ouais. Et puis tout, qu'est-ce qui fait qui. Ouais. Et qui te ça fait reste la région, hein. Bah oui, hein. Ça reste les Hauts-de-France. Franchement, 1h40 train. Ouais. Ouais. Cousinage. Ouais, ouais, un peu loin quand même. Chez 5962. Ouais, ouais. Ouais, ça, ouais. Ah, tu mets les 62. Oh, ouais. 5962, ouais. Ok, voilà, ouais, c'est normal. Ouais. Et je t'ai appris comme ça. C'est MPDC, ok. Ah non, mais tu t'es un Lillois là-bas. Ouais, ouais. Ah, il grimace, Manu, il y a un truc qui va pas. Moi, je suis des mines du Nord, donc je peux pas choisir. Voilà. Bon, moi je suis de la côte, pareil. Dakarco, là. Ouais, voilà, Dakarco, on dit pas les. Dakarco. Je voulais continuer dans la légèreté avec Playlaid. Alors, c'est pas du tout représentatif de leur album, parce qu'ils font des choses plutôt punk. Playlaid, c'est un groupe 88-89, californien. Pour moi, c'était une grosse découverte, parce que c'est là où je découvrais le punk rock dans les vidéos de skateboard, et c'est ce qui m'a formaté. Ah, t'es un skateur aussi, c'est vrai. Ouais, ouais. Enfin, t'étais un skateur. Ah non, je suis encore. Ah, je pratique toujours, monsieur. Ah oui. Excuse-moi. C'est pas qu'un sport de jeune, non ? Voilà, exactement. Ouais. Moi, j'ai arrêté. Non, non, j'ai toujours autant de plaisir à rouler, c'est cool. Ouais. D'accord. Et on te voit où alors ? Au parc de Mons, le parc de la. Avec le bol et tout, là. Ouais, bien sûr. Avec mes SRAB. Ouais. Et donc, Playlaid. Ouais, Playlaid, donc voilà. Donc, c'est le parc de la solitude. C'est aussi. Ouais, c'est exactement ça, le parc de la solitude, ouais. C'est ça. Alors, Playlaid. Ouais, Playlaid, comme je vous disais, donc groupe californien, skater aussi, et qui participait aussi musicalement dans les vidéos. Il y a eu quelques groupes comme ça dans la scène. Skate, bah vous connaissez tous Suicidal Tendencies, ouais, mais il y a eu d'autres comme Blast, Code of Honor, Macrad. Il y a eu vraiment une scène de skateurs qui faisaient de la musique en même temps. Ouais, Blast, Code of Honor, c'est avant. Quoi. Blast, ils ont commencé en 83 et Code of Honor, c'était carrément au début des années 80. Ouais, ouais. Même mais, 79, oui, mais je parle en fait de l'influence de la scène de skateboard et c'était des gens qui pratiquaient... Ah ouais, et puis ça, là, ça a été vraiment un truc qui est après devenu un vrai business. Quoi. Ah enfin, mais bon, c'est pas ce que je retiens. Ouais. Mais c'est ricain, quoi. Ouais, ça marche. Et puis t'as des super groupes derrière, bah voilà, quoi. Il n'y a pas 36 solutions. C'était pas mal. Ouais. Ouais. C'était pas mal. Et donc, le titre, merde, je vous le dis après. Promis. Pour vous ? Tu nous le dis après ? Ouais. C'est la surprise. Il était pensif, là, Jérémy. Effectivement, je pensais à Stéphane. Pense à moi. We'll be right back. deux titres pour le prix. Ah, là. Bah ouais. Alors, quel était le titre du premier? La réponse est simple. Bah, c'est simple, il n'y en a pas. C'est pour ça. Et le titre du deuxième, c'était Man Should Surrender. Man Should Surrender. Yeah. Un accent, c'est mieux. Voilà. Bon, please. À peu près. Oui, moi, vous, nous, eux, bah, qui toi. Nous. Bon, et ben, je n'ai rien à dire sur ce titre, sauf que c'est un tube de la région, Grabuge, ta ville. Ça voilà, t'a fait penser à ta ville. Oui. Bah ouais, Donna. Sois fier de ta ville, hein, R sur la liste. Immortel, pam. Oui, sur Campus 106,6, il nous reste à peine 6 minutes 20, mon cher Thomas. Oui. Si, si. Bon, alors, ça me laisse le temps de passer un morceau. Bah, allez, on reste dans le sujet. Sans aucun problème. Ouais, bah écoute. Ouais, hein. Quand je voyais les pubis de Greg Speth, par rapport à ce qu'il a posté. Oh, et, qu'est-ce qu'il a fait encore? On a évoqué les vieux groupes comme Undone et Fingerprint. Greg Smith en ce moment lit ouais, sa distro. Assez, ouais. Tiens, d'ailleurs, samedi, il fait la première partie de Eastern Trade au Café Disquaire. Oui, j'ai vu où ça. Où il va raconter son histoire. Et qui, je vous le donne en mille, qui va présenter Greg Smith, donc faire un peu le monsieur loyal de la soirée. C'est Greg Smith lui-même ? Non, c'est moi. Voilà. Ce samedi soir ? J'ai été recruté hier soir. Ok. Voilà. Bon, écoute. Je ne sais pas ce que j'ai raconté, mais ça va être super bien. Bah, je pense que je serai là. Ok. Juste pour voir ça. Ouais. Donc, je ne pourrais pas te dire trop de conneries. Je ne sais pas si je resterai pour Eastern Trade, mais. Ouais, c'est pas mal. Enfin, bon, ouais. Si, si, ça va. Ouais. Mais bon, ouais. J'avoue que Stéphane Linares et Grégory Smith. Ouais, ça envoie du rêve. Il ne faut pas donner les noms. Ouais, sur l'île. Et alors, vas-y. Ouais, Greg. Donc Fingerprint, Christophe Mora, Stonehenge Records. Bah voilà, putain, c'est la, la grande époque du hardcore français. Ouais, exactement. Qui ouais. Moulé à la louche. Donc de Orléans. Ouais, ouais, Orléans, c'était, ouais, ça. C'était d'Orléans. Ouais. Yes. Et We May Be Brothers. Peut-être. Ça fait 30 balles. Ouais, bah 200 francs belges, 30 francs français. À l'époque, c'était combien à LP ? Je sais pas, mais en tout cas, là, il nous reste à peine 2 minutes et donc il va falloir qu'on dise au revoir. On parlera de nos histoires de prix avec des monnaies qui n'existent plus, peut-être aussi dans des pays qui n'existent plus hors antenne. Ouais, on se donne rendez-vous. De disques de hardcore en francs carrés, c'est ça ? Ouais, point carré. Le franc. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 302 où nous devrions avoir le grand retour de Audrey, youhou, yeah, bon, ouais. Donc elle va nous passer tout plein de trucs. Là, ça sera elle qui va bosser. Hein. Et puis, bah, pour l'instant, on vous laisse avec Laya Ayala et Albert Fuitschwinder qui font Crushdown. Laya, c'était le chanteur de Tervet Cadet, pour ceux qui suivent. Et puis, on n'oublie pas... Akab. Oui, Akab, voilà, exactement. Allez, à la semaine prochaine. Dark obsession to me!